Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 17 décembre 2012. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est François Olivier. Ah, François Olivier de retour. De retour. Enfin. Ça va, François? Pour la dernière semaine, je me suis dit, je peux pas laisser Mathieu Plante tout seul comme ça. Ah, t'es fin, j'ai l'impression que t'as pitié de moi. Non. Vraiment pas. Merci. Moi non plus, en tout cas. Bonne nuit, Matt. Moi aussi, je me suis ennuyé de toi. J'ai passé la semaine avec Stéphanie Paradis, donc je peux pas vraiment me plaindre. Ok. Je te dirais que ça a même plutôt bien été. Hein. Formidable. Soit dit en passant. On remercie Steph. Oui, exactement. On la remercie énormément. On va parler un petit peu de pourquoi tu n'étais pas là la semaine passée. J'ai okay. Un bébé. Oui, un petit bébé. on s'écoute une pièce pour commencer. Okay, après ça, je veux en parler en long et en large et en détail. OK. Donc, voici en une détail. En détail. Comment tu t'es rendu jusqu'à là? Voici Hey Rosetta avec Carry Me Home. Une pièce de Noël à Assemblage requis. 89 FM. This hotel is cheap and the pillows stink, and there's not a single thing to say it's Christmas Eve. Oh, St. Nicholas, I know I ain't in your list, but if you're listening, I need a bus ticket. I came through Montreal, I lost a lot of dough, could find no honest job, so I did some other ones. Got into trouble and I had to run or suffer, and then a long road into a long December. Over the water and over the border and over the open land to this Ramada Inn. No overbooking here, no sort of holy birth, no miracles occurring, no not a creature stirring. Oh, St. Stephen, where is your feast when I so sorely need it, when I haven't hardly eaten? But I give my food and drink to see my home again, to see my mother's hand against her apron edge. Send me a Christian word, send me a southern wind, oh, send me up to my kin. Hear the boys singing through their drunken grinning. Oh, Jesus, Joseph, Mary, I hear their voices carry me home. Saints in me, is there any angel near me? If you won't lift me up, then would you send my love back to my home, back to my only shelter? Well, in the awful weather, I will be warm and welcome back to my home. Oh, Hey Rosetta et Carry Me Home à Assemblage requis à 7h07 minutes. Et si vous écoutiez la semaine passée, vous êtes peut-être rendu compte que François-Olivier n'était pas là. J'étais absent. T'es absent. Mais là, t'es de retour. Je suis là. Et on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine-là au complet, François. Ben, écoute, ma blonde, elle a eu. Elle a accouché. OK. Elle a accouché dimanche. Paf! Fait que, c'est arrivé. Est-ce que c'était dans la date prévue? Non, il était prévu, en fait, ce samedi, le 15. Je sais pas si ça tombe samedi ou dimanche. Là, j'étais un peu perdu dans les dates. Samedi, on est le 17, ouais. OK. Donc, ça était prévu pour le 15. Et puis, en fait, ça s'est passé dimanche. Hein, ça a l'air qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Ben non. Et puis... C'est quand même pas mal de bonheur. C'est quoi? C'est quoi, 6 jours, franchement? En bas d'une semaine. Mais là, écoute, je suis pas un expert là, de la natalité, de la prénatalité. Et puis, Non. C'est chaud. Mais il n'était pas prématuré. Pour être prématuré, je pense qu'il faut que tu accouches avant 39 semaines. Okay. Quelqu'un pourrait me corriger. Là, c'est ça. En fait, il n'était pas prématuré. Il faisait 8 livres et une, ce qui est quand même un bon bébé. Ouais, ben c'est comme l'équivalent de 8 livres de beurre. 8 livres de beurre, exactement. Sauf que 8 livres de beurre vivant. Ah oui, wow, du beurre vivant. On souhaite tout ça. Et puis, écoute, ça a super bien été pour vrai. Super bon bébé. Comment il s'appelle, le bon bébé? Lucas. Lucas. Lucas. Oh, c'est cute. Et ton premier s'appelait Charles-Olivier. Donc, il y a quel âge, Charles-Olivier? 2 ans. Deux ans. J'ai eu 2 ans le 7 octobre. C'est pas mal le standard dans la vie où les gens essaient d'avoir des enfants aux 2 ans, hein, je pense. Oui, mais en fait, là, une théorie comme ça, qui disent, parce qu'en fait, là, c'est sûr que je pense que tu peux essayer de déjouer ça d'une façon que je connais pas. Détournée. Mais pendant que ta copine allait, en fait, elle peut comme pas retomber enceinte. Ah, OK. Je sais pas ce qui se passe dans son corps, mais bon, ça a l'air que... OK. Donc, cool. Voilà, exact. Écoute, je suis ravi. Ça va être un petit temps des fêtes. Oui. Ça va être tranquille. Ça va passer vite. Ça va passer vite, exactement. Ben, félicitations. Ben, merci, hein. Merci, Matt. Il y a ta copine aussi. Ben, écoute, je suis sûr qu'elle te dit merci. Ben, ça, qu'elle a peut-être cadavre. Ah, pour bref, vrai. J'y souhaite, nous, mais. Pas de coup de téléphone, c'est ça que ça veut dire. Pas là. On y envoie pas un kawab ou un kazakh. Pas elle. Non, OK. Pas elle. Il faut me le faire dire, sinon. Ouais. Et on entend que peut-être que plus tard, c'est la famille, ça n'est pas complète, c'est ça? On sait pas. Écoute, on ferme pas la porte. On ferme pas la porte à ces choses-là. Bon, ben merveilleux. Ouais, on verra. Ouais. On verra. Moi, je vais. Moi? Moi, je vais bien, pas d'enfant. Ah non, t'as pas d'annonce à nous faire ce matin? Non. Ben, en fait, oui, j'ai des annonces à vous faire. Mon site web marche pas encore! Ben, Ben, tu sais, il faut ce qu'il faut, moi, une fois de temps en temps, le site web marche pas, l'assemblage requis, ce qui fait que j'ai préparé 3 chroniques pour rien hier! Je peux pas les faire aujourd'hui, non, ça me dérange, moi, sérieusement. Je prépare des chroniques exprès pour avoir du contenu parce qu'on sait que cette semaine, il y a pas grand chroniqueur qui va être présent, tu sais. C'est ça, exactement. Et Véronique Mire n'est pas non. À l'émission aujourd'hui. J'étais sûr qu'elle serait là au moins. Ah, ça veut dire qu'on a 1h30 à remplir. C'est le fun. Hey, j'ai hâte. C'est le fun. L'émission commence bien. Ouais. C'est le fun. J'ai envoyé un courriel à la compagnie qui héberge mon merveilleux site web. Compagnie qui aime faire ce genre de choses-là au moins une fois par année. Sinon 2, sinon 3 de fois que mon site marche pas. Donc on s'entend que c'est sur la fin. Là. Je resterai pas là longtemps. Moi, là. Non. Moi, cette année, puis ça me stresse pas mal. Là. Mais je vous ai préparé quand même une petite chronique de nouvelles CNX. Donc on va faire ça tout à l'heure. Je vais essayer de la placer à un moment opportun pour nous faire passer du temps ensemble puis que le temps avance. Hein? Hein? Le temps avance tout le temps. Parce que là, on va avoir l'air de remplir du temps, tu sais. En ayant rien à dire, ça va avoir l'air de hey, coudon, ils remplissent les zones. Non, mais écoute, aujourd'hui, vu que c'est notre dernière semaine, on pourrait parler des albums qui nous ont marqués. Peut-être pas faire de top, je sais pas si. Non, parce qu'on n'a rien préparé, ça veut dire. Non, mais en fait, juste de faire jouer des chansons en fait qui nous plaît bien, qu'on a découvert peut-être durant l'année 2012. T'as bien raison. C'était des sorties aussi que t'attends en 2013, Matt. Je t'en prie, fais-moi en part. D'accord. On va commencer avec un autre bloc musical. Okay. C'est aussi composé de choses du palmarès, parce que c'est là qu'on est rendu. On s'en va entendre la pièce Psychanalyse numéro 9 de Willie Burns. C'est une nouvelle entrée du palmarès francophone. Et malgré ce que certains gens en pensent, le nom de la pièce, c'est pas Pig. En arrière, je sais pas si tu vois. Le premier, pièce numéro 1, ouais. On dirait Pig. C'est un numéro, non? C'est P numéro 9 okay. Pour Psychanalyse numéro 9. Ah, c'est écrit sur le carton. Okay. Mais il y en a qui pensent que c'est Pig. Donc, je vous la dédie à tous les cochons. Les cochons de la merde. Vous êtes à l'assemblage requis sur ces fous. calme. Je dévie la terre tout à l'envers et regarde ses yeux verts. Je dévie la terre tout le contraire de ce que je considère une bonne manière d'exercer mon charme. Thank you. Anna Georges et la pièce Hermes à Assemblage requis sur C'est fou 80 FM. Il est 7h19 minutes. Et oui, toujours François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Oui, ce matin. Oui. Je suis là. Ben oui. Là, jusqu'à maintenant, dans l'émission, on a parlé du fait que ta copine a accouché, on a parlé de mon site web qui marche pas. Mm-hmm. Hein? Et là, OK, hier, là, OK, tu veux ça. Les choses vont tellement bien. Hier, mon magnétoscope a sauté. C'est mon lecteur de cassette. Mon lecteur de cassette vidéo. OK. Ouais. La première question qui me vient en tête, mais que fais-tu encore avec un magnétoscope? Ah, ben voilà. Ben non, c'est ça. Ça va pas bien. Donc, je sais pas. Aujourd'hui, on s'enligne pour passer... Ça se vend encore? Oui, ça se vend encore. Ouais? Oui. Ouais, okay. Mais d'Apple Shop, ça se vend bien. En magasin, okay. C'est difficile à trouver. OK. Ouais, mais flambant neuf, non? J'imagine sur Internet, tu es capable de... Sûrement, mais c'est cher, me semble. Ouais, c'est cher. Ouais, c'est ça. C'est revenu bien, bien cher, là. J'avais vérifié autrefois. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas mal jouer de la musique. En plus, que Véronique Mire n'est pas là aujourd'hui. Donc, on va passer du temps à jouer de la bonne musique. On va se rappeler des souvenirs de l'année 2012. On va tenter. Des belles surprises. On va essayer, en tout cas. On va commencer avec un de tes choix, c'est Peter Peter. Peter Peter, d'ailleurs, qui a été... je sais pas si tu as vu passer ça sur Internet, Matt. A été le meilleur vendeur francophone numéro 1 iTunes. Colin, toi. Donc, écoute, formidable. Je pense qu'il y a de l'espoir pour l'humanité. Il n'y a pas juste des gens qui n'ont pas de goût. Non, mais ça me surprend quand même. Tu sais, écoute, on pense souvent, mettons, à Marie-Mée qui vend beaucoup de disques. Bref, on pourrait les nommer. Là, tout le temps les mêmes. Cain, ou même, tu sais, les trois accords. Ou... Faut dire que les trois accords est sorti un peu tard, par exemple, dans l'année. C'est vrai. Mais bon, Peter Peter, numéro 1, francophone, j'ai été agréablement surpris. Une bonne nouvelle, une belle nouvelle. En fait, on pourrait envoyer une pièce, je pense, Carousel de son dernier disque. Ben, c'est le plus récent extrait, c'est celui qui est sur le palmarès en ce moment. Et c'est excellent, là. Et c'est bon. Excellent. C'est très calme. Ouais. C'est. J'adore Peter Peter. Bon. Ben, tout ce qu'on va jouer aujourd'hui va être très très bon. Tenez-vous-le pour dit, hein. On sera pas de bullshit. Non, non. Peter Peter, Carousel. Sur C'est fou. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel. À ton malade me plaît. Retour à l'Institut des trois accords à Assemblage requis. Une des pièces de 2012 qui nous a marqué. Facilement, facilement. On va continuer notre palmarès ou notre top, notre liste, je pense. Notre liste, oui, tout à fait. Après la pause avec plus de francophones à Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu, Plante, François, Olivier, Marchand. 7h31, on continue notre liste de nos disques préférés ou de nos chansons préférées de l'année à Assemblage requis. Nos coups de cœur. Nos coups de cœur, c'est ça. Badaboum. Hang. Simplement. Flink. Fling. Moi, j'ai beaucoup adoré le plus récent de Karim Ouellet. Vraiment très, très bon. Ce que je trouve malheureux, c'est qu'il a sorti son album à la fin de l'année. Il n'y a pas de chance d'être dans, il me semble, grand top. Il me semble, non? J'sais non, pas. C'est vrai. C'est un vrai. Peu tard. Mais j'imagine qu'il a sorti pour... Les fêtes. Ouais, pour les fêtes. En fait, pour être présent, être espéré en vente. Pour des cadeaux, là, justement. Ben, je vous suggère, moi, comme cadeau, parce que c'est très, c'est très vrai, bon. C'est vrai. C'est l'album Fox de Karim Ouellet. Voici l'extrait L'amour. Tout de suite, là, qui va commencer quand même sur les bonnes notes, sur ces notes-là. Ah oui! Hey, ça, c'est l'amour. Oui! Love you, big time! La route est tracée d'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Pile ou face, c'est sans importance. Laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour du bout des lèvres. On peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève. On peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. T'es blanc, qu'on est pour ou qu'on est contre et qu'il faudra choisir un camp. Ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celle qu'on aime et qu'elle est belle. Recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire mouche et rentrer seul quand le soleil se couche. Ça. Karim Ouellet, la pièce L'amour sur l'album Fox. C'est vraiment adorable du Karim Ouellet. Il y en a beaucoup d'amour pour lui. Ah, tout le temps. Et je pense que cet album-là va être épuisé du début à la fin. Oups, excuse-moi, je suis pas en train de mettre la bonne affaire pendant tout. Et un peu, ça ici. Voilà. Et voilà. Hey. Donc, qu'est-ce que je sais déjà? Oui, que Karim Ouellet, on va épuiser l'album jusqu'à la dernière pièce, c'est exact. Certain. On va en avoir pour le reste de l'année et l'année suivante, pas mal sûr. Son album s'appelle Fox. Maintenant, tiens, on va retourner encore plus loin en arrière avec du Michelot parce qu'on l'avait reçu en studio. Oui, cette session aussi, si je me rappelle bien, c'est quoi, fin septembre, début octobre? À peu près, oui. Elle était en spectacle ici, je pense, au Zénoble. Mm-hmm. Et puis, formidable, hein? Super gentille demoiselle. Sympathique. Mm-hmm. On a eu une prestation en live ici en studio. Ça sonnait, ma foi, merveilleusement bien. Oui. Michelot, une belle découverte pour moi cette année. Oui, et bien évidemment, elle roule sa bosse musicalement depuis quand même longtemps, mais on l'a comme redécouvert cette année en la recevant en entrevue. Ouais, c'est ça exactement. Donc écoutons sa pièce Ma belle tempête à Assemblage Requis. C'était Michelot et ma belle tempête à Assemblage Requis. Magnifique voix, je l'aime bien, Michelot. Es-tu bonne? Est bonne. Est bonne à mort. On vous rappelle qu'on fait notre petite liste de Noël, des choses qu'on a aimées cette année, des coups de cœur musicaux. Tu sais, des idées cadeaux, là. Bon, ouais, ça va bien. Clin d'œil. C'est les bouts de plastique avec le trou dedans, hein? C'est toujours bien. Dis-moi, c'est moins attrayant un peu. Un peu, mais ça décore bien l'arbre de Noël, au pire, si vous l'aimez pas. Hein. C'est vrai. Tiens, pour vrai. Maintenant, on parle de Chantal Archambault. Elle va sortir un nouvel album l'année prochaine, n'est-ce pas? Oui, en février 2013. Donc, en fait, là, au début de la chronique, si on peut appeler ça une chronique, on avait dit, écoute, nos coups de cœur 2012 ou sinon, qu'est-ce qui s'en vient un peu en 2013? Ouais. Qu'est-ce qu'on attend? Dans le désordre un peu, là, c'est pas nécessairement en ordre de ces affaires-là. Là, on va dans le futur, on tourne dans le passé, on va dans le futur. Bon, en fait. C'est ça, exactement. Et son album est prévu pour le 12 février 2013. Et puis... Aurais-tu de sortir le 14 Saint-Valentin? Oh, tout. Saint-Valentin, ben oui. 12 février, c'est quoi, c'est rien? Ben, c'est le 12 du 2-13. 1-2-2-3. Ouais, c'est ça. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Écoute, l'album va s'appeler Les Élans. Et ça va être disponible à partir du 12 février, comme on disait précédemment. Ça va être, écoute, on s'attend à quoi? On s'attend à rien. On met la barre haute, étant donné que c'est pièce du premier album, de l'album qu'on écoute d'habitude, qui s'appelle La Romance des Couteaux. C'était vraiment très, très bon, donc la barre est haute. Ouais, c'est ça, exactement. C'est une belle surprise. Exact. Alors, on va donc aller écouter une de ces pièces de cet album-là, La Romance des Couteaux. C'est Caval. Caval, le premier extrait de l'album, d'ailleurs. Bon. Donne-toi un petit swing, un élan. Allez, allez, allez. Un élan. Les élans. Hein? C'est pas l'animal, l'élan. Ah, c'est beau. Avec moi, un cavale entre tes doigts. quelqu'un, t'es rendu quelque chose. Tu te regardes avec les yeux des autres. Des filles comme ça, y'en a toutes les sortes. Des beautés gâchées sur Photoshop. Qu'est-ce que tu prouves, à qui tu veux prouver? Est-ce que tu trouves ou tu fais rien que chercher? Marie plastique. Marie plastique. Drop ton fer plat, tu travailles trop pour plaire. Ouais, t'as l'air plate, laisse donc tes cheveux se défaire. Marie, t'es belle, pose ton sourire avant que ton visage se déchire. Marie plastique. Marie plastique. Sans ton ça te voit bien les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi t'as l'air? Marie plastique. Je m'en fous que tu habillé en Chanel, en Versace, Gucci, Jean-Paul Gaultier. Tu vaux bien plus que de la ficelle. Marie plastique. Enlève sans don, ça te voit bien les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu veux rester tranquille, tu veux de quoi t'as l'air? C'était Marie Plastique de Maxime Desbiens Tremblay ou Tremblay? Tremblay, oui, communément appelé Le Tremblay. Ça s'appelle le même Le Tremblay d'Amérique. Le grand Tremblay d'Amérique. Et c'est super bon. Et c'est vrai ce que tu dis un peu hors d'onde. C'est, je pense que c'est la chanson pour la session, au moins. Du moins ben, c'est au moins une chanson qui joue, je dirais pas à outrance, mais je dirais à outrance. Genre, ouais, ouais. Beaucoup trop. Toutes les émissions dans une journée, je pense, étant donné qu'on on vous apprendra rien si vous écoutez C'est Fou moyennement, que les animateurs de C'est Fou écoutent pas vraiment les autres émissions de C'est Fou. Donc, des fois, à jouer 4-5 fois dans la journée. Exact. Mais ça reste bon. Et à chaque fois, j'étais pas tanné de l'entendre, au moins. Non. Il y a ça. C'est super bon pour vous. Moi, une autre chose que j'ai beaucoup aimé cette année, on n'a pas tellement écouté l'album au complet, mais par contre, deux pièces de l'album de Noem ont vraiment marqué la session d'automne, d'après moi. Oui, c'est vrai. Et là, celle du palmarès, la plus récente, c'était Beltan. On va reculer un petit peu pour aller entendre leur premier extrait qui a vraiment fait fureur. C'est Mon espace. On écoute ça à Assemblage Requis. Sur mon espace. dans cet enfer si personnel, emprisonné à l'intérieur de cet esprit non virtuel. J'ai navigué parmi ces êtres émancipés de leurs écrans, de leur destin. Ils sont les maîtres, ça me fait peur de voir si grand. Je me suis lassé de ton image. Je ne veux plus que t'espérer et voir enfin ton vrai visage. Viens me trouver, je n'en veux plus de cet espace. Les incarnés, je ne suis pas ton autre face. Je voudrais tout déconnecter. Réalité, viens me rejoindre, ce n'est pas nous sur cet espace. Et le reflet que tes sourires que l'on ressasse. Une vision ou un mirage, on doit enfin tourner la page de mon espace. Mon espace de Noël à Assemblage requis. Ben oui, mais c'est rare que ça m'arrive à moi, le micro qui tombe. C'est plus au co-animateur que ça arrive. Ouais, ah, exact. Que voulez-vous? Vous êtes pas là pour le voir, fait que c'est pas bien drôle. Non, c'est pas bien drôle, mais il faut dire que je l'ai vu. Hey, tu veux déjà être aidé? Non, ça non, va okay, aller. On va finir l'heure ici à place. C'est bon. Donc, on va terminer l'heure et on va se retrouver tout à l'heure avec une deuxième heure d'Assemblage requis. L'émission matinale en pièce détachée. Hey, oui, oui. On direct. Va voir Alessandra Carignan et sa chronique Le temps de l'agriculture. Le temps de l'agriculture, la dernière de l'année 2012. Exactement. On va continuer notre liste de nos coups de cœur musicaux de l'année et. Oui, deux chroniques. CNX, la chronique geek et je chialais dans tout le temps de quoi. Ok, c'est bon? T'as l'air d'un gars qui veut chialer le matin. C'est la journée pour ça, je pense. On revient dans quelques minutes, restez là. C'est fou. Pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 17 décembre 2012. Je m'appelle Mathieu Plante. Je m'appelle François-Olivier Marchand. Enchanté, François. Enchanté, Mathieu. Et bon retour pour ceux qui n'ont pas remarqué que t'étais de retour, ceux qui synchronisent à 8h à tous les jours. Là. T'étais pas là la semaine passée, Stéphanie était là à ta place. C'est ça, exactement. T'as eu ton deuxième enfant, tout le monde est content. Bon, passe à autre chose. On passe à autre chose. Ah, si vite oublié, hein. Un nouvel enfant. Ouais. C'est, ah non, je l'oublie pas. Tu sais, il est où en ce moment? Hein? Tu sais, il est où en ce moment? Ben, oui. Bon.

Il y a tout le temps de quoi, François? Ouais, vas-y donc. Tout le temps de quoi? Tu sais, genre, les circulaires qui arrivent là, à la maison, tu sais, les publicsacs, tout ça. Ouais. Là, t'as des circulaires qui sont même pas taqués. C'est quoi, je veux dire, tu sais, c'est quoi? Est-ce que c'est pour l'environnement qu'on met plus de tac après un circulaire ou est-ce que ça doit être ça, là, j'imagine? Ou pour le recyclage? Peut-être, mais en même temps, c'est déjà pas bon pour l'environnement d'avoir des circulaires, tu sais, dans la vie des publicsacs. Mais en plus, là, ben, là, ça fait qu'ils sont même pas tenables dans nos mains à cause du bon agrafe. Ça tombe, ça, de partout. Pas capable de tenir ça. T'sais, un peu comme, tu sais, mettons les grands journaux, là, mettons la presse. Là. Ouais. On s'entend-tu qu'il n'y a rien de plus difficile à lire dans la vie? Ça se tient pas! T'es obligé de le plier. Ouais, c'est pas facile. C'est ça pas déchire. Facile. Ça n'a aucun sens en 2013 que les journaux soient encore faits sur le long. C'est quoi, là? Ça marche pas pantoute dans ma tête. Je comprends. Donne-moi une raison, mettons, pourquoi un journal devrait être fait sur le long. Je comprends pas. Ouais. Tu le plies? C'est quoi, t'as l'air plus intelligent? Parce que t'as ton grand journal, t'es un grand lecteur. Je sais pas, t'as un foulard, un béret. Là, tu lis des livres et tu lis des journaux qui ont de la classe. C'est ça, hein? C'est pour l'apparence, je pense. Ben, c'est vraiment foutrement en cave. Bon. Les couvertures de magazines dans les épiceries. Tu sais, c'est tout le temps. C'est rendu que c'est tout le temps une citation. C'est comme, mettons, tu vas avoir la face de Marilyn Tiber, OK? Ça va dire okay. « Mon enfant est en bonne santé » ou n'importe quoi, tu sais, genre. Ou « Mon enfant s'appelle Marie-Félix ». Mais c'est tout le temps rendu une citation. Tu peux pas avoir juste un grand titre qui explique quelque chose. Faut que ce soit quelque chose que la personne a dite. Même si c'est clairement pas une phrase que tu vas dire en français québécois, ils vont te la remettre en bon français pour pouvoir la mettre sur la couverture avec des petits guillemets à côté, tu sais. Sûrement que... Moi, j'imagine que la raison que c'est rendu des citations puis que c'est bien à la mode, parce que la plupart du temps, c'est des gens qui ne sont pas des vedettes. C'est genre... Ben, des simili-vedettes. Des simili-vedettes de genre d'occupation double. Fait que si tu mets une citation, tu peux mettre à la fin petit trait d'union, petit tiret, et le nom de la personne est dans l'émission qui était. Comme ça, tu peux comme... T'es pas obligé de marquer son nom à côté. Tu peux le marquer directement avec la citation. Non, c'est peut-être pour ça. Mais je comprends pas l'idée de mettre tout le temps des citations sur les magazines, ça me tape ses nerfs. Ça demande plus. J'imagine, ça fait plus proche du public. Elle me parle à moi. Hé, hey, elle me parle de son enfant, Marie-Félix. Tu sais, genre. Mmh. Alors, sinon, tiens, toujours à l'épicerie, évidemment, c'est une place où on passe bien du temps dans la vie, là, tout le temps, de tous les jours. Les rangées d'épicerie, OK? Chez, mettons, Maxi, là, on peut-tu arrêter de mettre des petits genres de stand de produits en plein milieu des rangées? En plein milieu des rangées. Et au bout des rangées, et au bout du bout de la rangée, parce que c'est rendu qu'ils en mettent un à côté de l'autre. T'as la rangée, là, au bout, t'as, mettons, du papier de toilette, puis à côté, à gauche, t'as des sacs de chips. Puis en avant, t'as des liquides en deux. Ouais, mais ça fait que les rangées sont très, très, très, très minces au début. Tu sais, mettons, la rangée au complet n'est pas aussi large tout le long. Mais ça fait que tout le monde se fonce dedans. Dans la rangée, je suis d'accord avec toi. Mais au bout, ça va. Mais au bout, et c'est parce qu'ils en mettent au bout de la rangée et à côté, à gauche ou à droite. Et même des fois les deux. Fait que ça fait que ta rangée est comme en genre de L. Tu comprends-tu? Côté les articles de l'épicerie sont comme t'as la rangée de produits, puis t'as le L qui continue la rangée de produits chez Maxi. C'est souvent ça, ils vont mettre des affaires un petit peu trop loin dans la rangée. Mais bon, moi ça me tape ses nerfs, puis c'est déjà assez compliqué quand t'arrives la fin de semaine pour faire ton épicerie, puis tout le monde est là en même temps, puis que t'essaies de tourner le coin. Il faut que tu tournes le coin. Il n'y a même pas deux paniers de large là, rendus au bout de la rangée. Il n'y a pas deux paniers de large, c'est un panier de large. Il faut attendre que le gars sorte pour pouvoir rentrer. Pause, maudit à moi. Ça va pas, ça marche pas dans ma tête, partout. Ensuite, la raison tantôt que je t'ai dit, je vais aller chercher une bouteille dans mon bureau. Tu me disais que là, on va se saouler, tu sais. Ça y est, Matt, il avoue enfin son problème d'alcool. Ah, ben, il est temps que j'en parle en onde. Hein? Non, sans blague, c'est que je suis allé m'acheter une limonade dans les machines du QTR, tu sais, comme on le fait souvent, là, la Vitamin Water. Tu sais, c'est de la Vitamin Water de la compagnie Glasso, qui est très, très francophone. C'est Glasso. Distribué par Coca-Cola, je pense. Distribué par Coca-Cola. Mais ce qui me dérange, c'est pas le fait que le nom de la compagnie Glasso soit en français puis que le nom du produit Vitamin Water soit en anglais. Ça me dérange plus ou moins, je les comprends. Ce qui me dérange, c'est qu'ils essaient de te traiter comme un petit jeune. Comme quoi? Il parle comme un petit jeune sur la bouteille. OK, je vais te lire le texte, OK? Et je cite. « Sérieux, c'est quoi ça, un sac à main ou une valise? Voyons voir avec quoi tu l'as bourré. Une carte cadeau sur laquelle il reste 89 cents, trois crèmes à main différentes, entre parenthèses, melon, concombre et concombre melon, baume à lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres et quoi encore? Eh bien, ton sac nous a inspiré. On a mis un max de bonnes choses dans cette bouteille. Elle contient 11 nutriments essentiels, de la vitamine A au zinc. Oublie juste pas de lui garder une place dans ton sac à main ou ta sacoche d'homme. On te juge pas. » Oh boy. Hey, non, mais tu me traites-tu pour un enfant de 11 ans avec ta Vitamin Water, sérieux? Je comprends pas. C'est bizarre, là. C'est pareil qu'en anglais, c'est n'importe quoi. Je l'ai regardé pour voir si en anglais ça avait plus de sens. Là. J'imagine que non. Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'il essaie de te traiter comme un jeune, genre full yo dash dans le vent, là, full ninja style, là, Gangnam style. Mais la bouteille, on s'entend que c'est le look le plus corporate que j'ai jamais vu de ma vie. L'étiquette est à moitié horizontalement bleue, et à moitié blanche. Et c'est tout le look qu'il y a dessus. Le texte est en genre de Arial 10, tu sais, comme super standard, la police par défaut. Puis il parle en jeune. Peux-tu te décider, est-ce que tu vas avoir l'air adulte avec ton texte et ton look, ou est-ce que tu vas avoir l'air jeune avec ton texte? Tu décides, si tu veux être jeune, fais-moi un look plus jeune. Si tu veux être plus corporate, fais-moi un texte qui a de l'allure. T'sais? Il se positionne entre les deux. Il veut se mettre à cheval entre les deux. Choisis ton bord, il y a une guerre, tabarnouche. Bon. Il n'y a pas de guerre à matin. Il n'y a pas de guerre à matin. Tiens, ça me rappelle aussi une autre compagnie qui essaie de nous traiter comme des jeunes, là, Virgin. Je sais pas si tu connais Virgin. Ouais, compagnie de là. Ben, c'est ça. Et eux autres, ça donne à vouloir tutoyer leur public. OK. Tu sais, partout dans leur campagne publicitaire, là, ils te traitent comme un enfant en disant « Et toi, le client, tu vas être à la mode, ben il faut que tu sois avec nous parce que toi, t'es hot, c'est avec Virgin, tu sais. » Ils sont comme ça, ils te tutoient. Moi, une compagnie qui me tutoie, c'est peut-être un petit peu too much. Tu peux me vouvoyer ou encore, parle-moi moyennement directement vers moi, tu sais. Oui, mais ça dépend. En fait, eux autres s'adressent vraiment, j'imagine... Aux étudiants surtout. Ben oui, et aux jeunes, en fait... Pour ceux qui veulent se procurer leur premier cellulaire. Ouais. Je pense vraiment, en tout cas Virgin, de la façon que je comprends, de la façon qu'ils se positionnent, c'est vraiment leur marché, c'est ça. Là. Tout à fait. Fait que ça, j'imagine ça doit bien fonctionner avec eux autres. Là. J'imagine, sinon ils arrêteraient. Tout à fait, t'as bien raison. Sinon, tiens, OK, on arrive chez un restaurant de hot dog et poutine, on se comprend. Valentine. Valentine, c'est ça. Et je demande un hot dog all dressed. Pourquoi t'as pas pris de salade? Pourquoi t'as pas pris de salade? Ouais. Est-ce que t'es en train de me traiter de gros, toi, là? Ouais, c'est pas moi, j'ai rien dit. Je suis posé une question. Non, mais j'avais envie d'un hot dog et d'une poutine. OK. Donc, c'est ça. OK. Un hot dog all dress, OK? C'est genre, et là, je sais pas exactement les ingrédients parce que je me rappelle plus, là, mais c'était genre. Chou. Ben, relish, moutarde, ketchup. Non, pas relish. C'est moutarde, ketchup et chou, je crois, le all dress chez Valentine. Ben, t'as des oignons? Ouais, c'est ça, je pense que c'est des oignons. Mais si tu veux, genre la mayonnaise, je pense pas que t'aies de relish. Si tu veux relish, et je crois, il y en a un autre aussi, je sais pas si c'est moutarde ou mayonnaise. Je sais que le all dress est loin d'être all dress. Très loin. Et j'ai pas aussi demandé à la fille comment t'appelles ça un all dress qui est vraiment all dress. Parce que quand je suis arrivé là pour passer ma commande, j'ai dit, je vais te prendre un all dress, mais avec tout, là. Tu sais, le super all dress, tu sais. Puis là, elle a fait comme, OK, donc tu veux, bon, relish, moutarde, ketchup, mayonnaise, chou, et puis petits oignons. J'ai fait, oui, pour moi, ça, c'est un all dress. D'où la traduction tout garni. Garni de quoi? Tout. Complètement objectif direct, tu sais. Je comprends pas comment ça fait que le all dress veut dire absolument rien. T'sais. Au pire, quelqu'un qui veut juste moutarde, ketchup ou ketchup mayonnaise va demander ketchup mayonnaise. T'sais. Non? Ouais. Moi, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir un super all dressed qui est un meilleur all dressed. Bref, prenez de la salade. Prenez de la salade. Non, c'est bien dit. toujours dans le domaine de la nourriture, tiens, je prends des fois, je m'amène un bagel de la maison ouais. pour pouvoir me faire un petit sandwich au poulet. Que je mets à part. Et je fais tout le temps griller mon petit bagel dans le grill de la chasse-galerie. J'aime pas ça quand ça goûte les tomates du sandwich d'avant, mais c'est tout le temps ça qui arrive. Je suis comme, OK, ben j'ai un sandwich aux tomates. En tout cas, ça rajoute de la saveur, mais c'est bizarre. Ça. Bizarre. Puis qu'est-ce qu'il y avait sinon? Ah oui. Anecdote de la semaine passée, t'en étais témoin. Le sommet national de la je sais pas quoi, qui avait lieu en fait semaine. Ouais. Vendredi. Je trouvais ça drôle de nous faire regarder comme si on était des insignifiants devant le studio. Ouais, ils se sont positionnés ici, mais moi j'étais pas là la semaine dernière, mais. Bon, on était entouré de pancartes et de beaux rideaux qui cachaient la construction du pavillon à la vie étudiante pour pas qu'on ait l'air trop d'être dérangeant. Mais non, c'est ça, on se faisait regarder bizarre quand on sortait du studio. C'est comme on s'en allait vers les bureaux et puis on se faisait arrêter. Hey, c'est pas par là qu'il faut aller pour le congrès. Là. J'étais comme moi, je sais, on travaille ici. Ah ouais. OK. Mettons. Je trouvais ça bizarre. Alors, de se faire regarder drôle. Par les journalistes. T'sais, à un moment donné, il fallait que je revienne ici pour vérifier quelque chose dans le studio. Et là, j'allais pour avancer vers notre studio, qui était un de nos bureaux. Puis je me faisais regarder, puis comme tu sais, avec un regard louche. Puis je faisais comme moi, il faut que j'aille là-bas. Mais t'es louche. Non, sois pas là. Sois pas là, c'est pas ta place. Moi, mais c'est ma place. Ouais, bref, il y a tout le temps de quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais t'es louche. T'es louche, Matt. Merci, je suis louche avec ma bouteille de vitamin water. Ouais. à 8h13. Oui, on est en direct encore. Hein? Oui, ça passe à la radio, tout ça. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous faire entendre, on continue notre liste de nos coups de cœur de 2012. Et aujourd'hui, on écoute de la musique particulièrement francophone. Et puis, La Descente du Coude est un... Du coude est un excellent album. Je l'écoute vraiment beaucoup de ces temps-ci. Je trouve ça fantastique. La Descente du Coude, c'est bon. Et d'ailleurs, il était en vedette lors de la dernière soirée cachée de C'est fou. La première et dernière de l'année 2012. Oui. De l'automne 2012, mettons. Exact. Et voilà. Il va y en avoir d'autres soirées cachées au courant de la session d'hiver. Donc, janvier, février, mars, là, tenez-vous au courant. Je pense qu'il va en avoir plus qu'une. J'ai très, très hâte. Donc, La Descente du Coude, leur album s'appelle L'Idéal en civière. Je vous le conseille au grand complet, c'est très très bon dans le genre. Je vous conseille la pièce la plus récente du palmarès. C'est d'après moi une des meilleures ou en tout cas dans le top 3 de l'album. Voici Généalogie. Dans la gêne. Yeah, j'pense ma vie comme un homme jamais parti. Comme un movie, un enfant star dans Home Alone. Dans un club mad, et fixe de tous tes culs. Les chicks dans mon écran, pas de flow. J'suis tout nu, j'regarde en photo. J'entends des trames sonores. Bon, ben quoi ça a l'air plus dans dehors. La un petit piano! Comment? Un petit piano élégant. C'était la pièce L'atterrissage d'Atomic Baobab sur l'album Le View Master. Un autre des groupes qu'on a vraiment adoré cette année, c'était immanquable qu'on joue au moins un petit peu d'Atomic Baobab dans notre liste des choses préférées musicalement dans l'année 2012. Voilà. Maintenant, François. Mathieu Plante. Veux-tu que je te geek un petit peu... Les oreilles? Oui, j'allais dire autre chose. Veux-tu que je te geek l'entrejambe? Ça prend pas. Hey. Voici la chronique CNX. Toc, et aujourd'hui, dans la chronique Geek CNX, on va se faire un petit fil. Le fil, c'est quand on parle de nouvelles qui ont lieu depuis les derniers jours. Okay. Commençons par Google Maps qui a fait son grand retour sur l'iPhone et sur iOS. Ça, c'est très intéressant pour les amateurs de se déplacer, je dirais, sans être pris par des obstacles avec l'application Maps de l'iPhone, celle qui vient avec maintenant. Donc, parlons-en. L'application Star de cartographie mobile fait son grand retour sur l'App Store d'Apple. Google Maps qui avait disparu des appareils Apple avec iOS 6, la plus récente version du système d'exploitation, pour être remplacé par une solution maison. Et ça permet de combler un retard certain de l'iPhone 5 face à tous ses concurrents. C'est dos au mur que la pomme Apple a été forcée à faire marche arrière devant le buzz désastreux provoqué par la sortie de sa propre application. De nombreux cadres de la firme de Cupertino, dont Scott Forstall, ont été contraints de quitter leur poste devant l'ampleur des dégâts. Ouais. Pour vrai. Tim Cook a également prononcé un mea culpa retentissant aux antipodes de la culture d'Apple. Tu sais, ce qui était bizarre, c'est que c'est Tim Cook, qui est le très très haut placé d'Apple, qui avait fait l'excuse. Apparemment, selon les rumeurs, il avait demandé à Scott Forstall, qui est le gars responsable de Maps, l'application sur l'iPhone. Et le gars Forstall avait refusé de le faire. Donc Tim Cook a été, en tant que directeur d'entreprise, quand t'es au sommet et que ton subordonné veut pas faire quelque chose, t'as pas le choix de le faire à sa place, sinon t'as l'air fou. T'sais. Donc il l'a fait, il a vraiment pilé sur son orgueil, il l'a fait, et après ça, a renvoyé Scott Forstall. Drôle de hasard. C'est un peu bizarre. Google Maps est disponible gratuitement avec l'ajout de la fonction Street View, donc très intéressant là-dessus. Une déclinaison iPad ne devrait pas tarder et selon le moteur de recherche, la nouvelle version serait même meilleure que sur son propre système d'exploitation Android. Les utilisateurs retrouveront les grandes fonctions qui font le succès de Maps, à savoir le guidage vocal, donc le step-by-step, le turn-by-turn navigation, les informations sur les transports en commun, la navigation immersive en 3D ou encore le mode Google Earth, donc fantastique Google Maps. Bonne idée. C'est très bon. Ensuite, une incroyable cape d'invisibilité développée par l'armée américaine, ou en fait pour l'armée américaine. Invisibilité. L'armée américaine collaborait avec une entreprise canadienne pour la mise au point d'une cape d'invisibilité capable de camoufler les soldats. Le dispositif s'appelle Quantum Stealth. Stealth veut dire furtif. Elle plie et détourne la lumière autour de celui qui le porte. Sur le site du fabricant, peu de détails de la technologie sont mentionnés. On apprend que le système est léger et ne nécessite pas de batterie, ni de projecteur, ni de caméra. Ah non? C'est quand même spécial. À moins de vous cogner aux soldats, vous ne vous apercevrez pas de leur présence, se vante le président de la société. L'effet psychologique sur l'ennemi est énorme, assure-t-il. Impossible de savoir quand et comment l'armée invisible va attaquer, si vous êtes encerclé ou non. Comment se défendre contre l'invisible? Interroge celui qui développe son projet depuis plus de 10 ans. Selon lui, cette technologie pourrait même être utilisée pour camoufler des tanks, des avions et des sous-marins. Il serait en passe de signer un accord avec l'armée américaine, canadienne et britannique pour passer du prototype à la production en série. Hey, titi, hein? C'est génial! Ah, c'est... Je vous dirais bien d'aller voir les photos sur assemblagerequis.com. Premièrement, vous pouvez pas parce que le site marche pas, mais deuxièmement... Non, pour vrai. Ben, moi, en tout cas, ça fonctionne. Ben, tabarnouche. Et j'ai essayé de trouver le lien, justement, je voulais voir les images. Ben, il est pas là parce que j'ai préparé la chronique alors que le site ne fonctionnait pas. OK, et parce que c'est invisible aussi. Et parce que c'est invisible, le lien est pas là. C'est très bon, ça. Ben, en tout cas, si le site est revenu, ben, tant mieux. Tant mieux. Ben oui, t'as bien raison, toi. Ben, tabarnouche. Donc, c'est ça. Mais de toute façon, allez pas voir les photos, même si vous réussissez à les chercher. C'est clairement des Photoshop, étant donné que la technologie n'existe peut-être pas encore dans le vrai monde, ou encore ils veulent pas qu'on voit pour comment la technologie fonctionne, je sais pas trop quoi, mais c'est clairement des Photoshop. Maintenant, les tendances de l'année 2012 selon Facebook, Twitter et Google. La fin de l'année approche. Certains diraient la fin du monde, mais bon. Les grands sites web publient leur palmarès sur les tendances de 2012. Donc, voici ce que nos recherches sur Google et nos conversations sur Facebook et Twitter nous apprennent sur l'ère du temps. Comme à chaque année, Google a présenté son Zeitgeist qui répertorie les tendances de l'année. Alors, qu'avons-nous recherché au Canada cette année? Le site Pinterest sorte de babillard virtuel qui permet de répertorier ses favoris sur le web, arrive en tête de liste des recherches. Sans surprise, l'ouragan Sandy et les Olympiques de Londres complètent le top 3 des mots-clés les plus recherchés au Canada. L'article est via Huffington Post Canada. Continuons le palmarès. En quatrième, on retrouve Diablo 3. En cinquième, c'est Gangnam Style. En sixième, Hunger Games. Septième, Sopa. En huitième, Star Academy. En neuvième, Connie. Et en dixième, Zurg Rush. Celui-là, je dois te dire que je ne sais Zurg pas ce que Rush. C'est. Zurg Rush? Non plus. En politique, le premier ministre Stephen Harper est le nom le plus recherché. Il est suivi du candidat à la chefferie du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, qui a réussi à faire parler de lui cette année pour son combat de boxe contre le sénateur Patrick Brazeau. Il a sacré une volée. Oh, Carlin! Le ministre de la Sécurité publique, Vic Taze, a été le troisième politicien canadien le plus googlé cette année. Le classement de Google est également l'occasion de nous rappeler quelques-uns des grands événements de l'année. Donc, la chanteuse Whitney Houston, décédée en février dernier, a été la célébrité la plus recherchée. Félix Baumgartner arrive en cinquième position du classement. C'est lui qui a sauté en parachute. Ça lui a permis de devenir le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. L'amour. Grande préoccupation devant l'éternel se retrouve en tête des deux catégories. Le terme « What is love » a été le plus recherché dans la catégorie « Qu'est-ce que ?». Parmi les « Comment », on retrouve « Comment aimer » en deuxième position et « Comment embrasser » en quatrième position. Avec de la pratique, peut-être. Pas besoin que Google peut me dire ça. Sur Facebook, les films de Hunger Games et The Avengers occupent le haut du palmarès des sujets les plus discutés, suivi de la série télé The Walking Dead. La série de livres érotiques 50 Shades of Grey a également beaucoup fait jaser sur le site de Mark Zuckerberg. Donc, les sujets les plus discutés sur Facebook, après ça, on va faire le top 10. Hunger Games, Avengers, Walking Dead, The Death of Whitney Houston, Mitt Romney, Coney 2012, London 2012 Olympics, Magic Mike, Gangnam Style et 50 Shades of Grey. Voilà. Très bien. Petite surprise à l'endroit ayant accueilli le plus de check-in sur Facebook. Tu sais, check-in, c'est quand on arrive à une place, on dit « je suis là » en cliquant sur le bouton. Là. C'est le Centre Bell à Montréal. Ah ouais? Sur Twitter, deux partout messages. Partout au Canada? Oui, c'est au Canada. Au Canada? Je crois bien. OK. Sur Twitter, deux messages ont particulièrement marqué l'année. Le soir de sa réélection, le président américain Barack Obama a partagé une photo devenue célèbre accompagnée d'un simple « Four more years ». C'est Obama en train d'embrasser... De câliner sa femme en référence à la durée de son nouveau mandat, ce « Four more years ». Son tweet a immédiatement été partagé par de nombreux internautes pour atteindre un total de plus de 810 000 retweets. Justin Bieber, qui est très populaire sur Twitter, a également marqué l'année avec un tweet partagé plus de 220 000 fois. Le chanteur disait adieu à la jeune Avalana Routh, une jeune fan de Justin Bieber atteinte d'un cancer du cerveau qu'il avait rencontré. Pas le cancer, la fille, j'imagine. certains événements ont particulièrement alimenté la conversation sur Twitter en 2012. Sans surprise, on retrouve dans le classement les Olympiques de Londres, de même que les élections américaines et l'ouragan Sandy. C'est la même chose pour tous les réseaux, on n'a pas besoin de le dire à chacun. Non, c'est ça. Il y a un nouveau widget Sound Search que les Américains peuvent désormais installer sur leurs appareils Android pour identifier et même acheter un morceau de musique lorsqu'on l'entend à la radio. C'est un peu l'équivalent de Shazam et de SoundHound, donc allez vous le chercher sur Google Play Store. Les 10 jeux vidéo les plus cherchés sur Google en 2012 maintenant. Call of Duty? Call of Duty? Oui, c'est parce qu'il s'appelle Black Ops 2 dans le décompte. Okay, je cherchais un petit peu plus. Donc allons-y, top 10. Je vais commencer par la 10e position pour se rendre au numéro 1. Donc FIFA 13, WrestleMania, c'est quoi? WrestleMania? WrestleMania 18, c'est pas-tu? Ouais, ça se peut. Non, 28. XXVII. Un autre I. En 8e, Resident Evil 6. En 7e, Madden NFL 13. En 6e, Call of Duty Black Ops 2. En 5e, Skyrim. 4e, Halo 4. 3e, Mass Effect 3. En 2, Borderlands 2. Et en 1er, c'est Diablo 3 sur PC. Ah! C'est vrai, Diablo 3 qui était sorti cette année. Ben oui. Le service de partage en ligne Dropbox vient d'acquérir Audio Galaxy et laisse envisager qu'il veut venir concurrencer les Spotify et autres Deezer dans l'univers des services de streaming audio. Ça, c'est des places où on peut écouter de la musique en ligne. Donc, apparemment que Dropbox pourrait commencer à faire ça. Ils complètent leur service. Le site de partage en ligne a acheté Audio Galaxy et laisse entendre l'arrivée du streaming audio, voire un service de cloud audio comme ceux d'Amazon ou Google. Le rachat a été annoncé sur le site de la startup Audio Galaxy basée à Seattle. Et pour l'instant, les inscriptions sur Audio Galaxy sont suspendues et les listes musicales des utilisateurs inscrits ne seront plus disponibles après la fin du mois de décembre 2012. Donc pour l'instant, le service va être mis en pause pour plus tard, j'imagine, être relancé par Dropbox. L'inventeur de l'omniprésent code-barre, Norman Joseph Woodland, est mort à l'âge de 91 ans. L'idée lui était venue d'utiliser le motif à rayures zébrées pour stocker des informations alors que Joseph Woodland dessinait des lignes dans le sable à Miami Beach il y a 64 ans. C'est ce qu'il a déclaré au journal du New Jersey Record. En fait, c'est ce que sa fille a déclaré. Lui et son associé Bernard Silver, décédé dans les années 60, ont déposé le brevet du code-barre en 1952. Ils l'ont vendu à l'entreprise d'électronique Philco pour 15 000 $. Joseph Woodland était ingénieur en mécanique. Il a travaillé pour IBM durant 35 ans avant de prendre sa retraite en 87. Il a également fait partie de l'équipe qui a développé le laser capable de lire les codes-barres dans les années 70, transformant la manière de faire les courses des Américains. Et là, on parle ailleurs dans le monde après ça. Ouais. Woodland et Silver, qui ont enseigné à l'Université Drexel de Philadelphie, ont travaillé au développement du code-barre après que la direction d'une chaîne de supermarchés leur eut demandé de développer une meilleure façon de tracer et d'inventorier leurs produits. Voilà. Joseph Woodland est décédé dimanche de la maladie de l'Alzheimer dans une maison de retraite dans le New Jersey. Il était marié et père de deux filles. C'est triste, mais un homme qui a fait révolution. Est-ce que j'en fais quelques petits derniers? Il m'en reste quelques-uns d'intéressants. On parle du prochain iPad mini qui pourrait être doté d'un écran Retina Display. C'est ce que j'attends avant d'en acheter un iPad mini. Je trouve que l'idée est vraiment bonne. Est-ce que tu vas t'en procurer un? Je trouve la forme bonne. Ouais. Je trouve un iPad trop gros, un iPhone petit pour lire. C'est pour laisser dans le salon, là, mettons, pour regarder. Un iPad? Non? Tu trouves pas ça gros? Ben, pour dans le salon, lire ce truc-là, non. Ça ressemble trop à un portable, je trouve, c'est gros, pas mal. C'est un 10 pouces de diagonale. Ouais, mais tu sais. Non, je sais pas, moi, je trouve. Parce que l'autre plus petit, écoute, t'as ton téléphone tout le temps sur toi. Il y a ça, c'est vrai. Puis tu sais, oui, c'est petit un peu pour lire, mais l'iPad, c'est. Moi, je trouve que l'entre-deux aurait pas dû, mais bon. Ben peut-être, mais en même temps, c'est ce que les gens disent beaucoup. On entend souvent parler, bon, tu sais, iPad mini sert à quoi? Sert à quoi? Mais en même temps, les autres compagnies, tout le monde fait différentes variétés, tu sais. Tout le monde essaye. Là, c'est la folie des tablettes. Ça fonctionne bien, les tablettes, en ce moment. Ça fonctionne bien. D'avoir des 7 pouces, des 8 pouces, des 10 pouces, des 12 pouces, il y a de la place pour tout le monde. Et tu sais, les gens vont focusser sur Apple comme de quoi qu'ils inventent trop de produits. Comment ça fait que l'iPhone existe juste en une grandeur, alors que chez Samsung, tu vas avoir comme sûrement 15 grandeurs? Puis les gens chialent pas pour Samsung, mais Apple, c'est tellement facile de chialer contre ça. Non? Non, c'est sûr, mais iPad mini, on parle de combien de pouces? C'est de presque 8, c'est 7,85. OK, puis iPad normal, on parle de... Une dizaine, la différence de prix entre les deux? Bonne question, je sais pas trop. Environ? Il me semble que le iPad normal, c'est comme une 600aine de dollars, non? OK. Pour le modèle de base, alors que c'est dernière comme 400 génération. Pour... on va aller sur la catégorie iPad. OK, l'iPad mini commence à 330. Le iPad le plus récent, le 4, commence à 500. Tu sais, donc t'as quand même une 330, différence. 170, mettons 170 $ de différence. Ouais, à peu près. Ouais, je sais pas. T'sais, c'est pour ça. Je sais pas, les applications fonctionnent. Tout est pareil partout. Tout est pareil. iPad mini, c'est l'équivalent du iPad de l'intérieur du iPad 2, si je me rappelle bien. OK. Donc moins rapide. Moins rapide, pas le Retina Display, donc l'affichage n'est pas aussi bon. Le choix est difficile à faire, mais c'est pour ça que moi je suis content qu'Apple propose une variété de produits. Ça en laisse vraiment pour tout le monde. Il y en a qui trouvent que l'iPad, c'est trop gros 10 pouces, donc ils préfèrent aller plus bas. T'sais, les autres compagnies marchent très bien leurs petites tablettes, là. Ouais, j'imagine. Écoute, je sais pas, j'ai pas utilisé vraiment de tablette à part que l'iPad. Mmh. Et t'avais aimé ça, mais pas assez pour en acheter. Ben, j'aimais ça. Écoute, sincèrement, donne-moi les moyens, je vais m'en acheter. Exactement. C'est parce que j'ai pas les moyens. Et tu sais, il faut faire des choix dans la vie. Ben, c'est ça. Mais c'est plate comme ça, mais Mais il y a personne qui a besoin d'avoir le MacBook, l'iPhone et l'iPad, ça, c'est clair. Non, c'est ça, exactement. Mais. Luxe. Mais je considère que ordinateur devant. Au lieu d'avoir un ordinateur chez vous, Tu sais, pour le commun des mortels, t'as pas besoin d'imprimer. T'as pas, tu sais, t'as pas besoin de Tu veux juste vérifier des trucs sur Internet. Ouais, t'as pas besoin d'aller ripper les DVD. Non, c'est ça. Aller faire tes paiements par accédé, ces trucs-là. Bon, iPad, écoute, c'est formidable. Tu le laisses sur le divan. Écoute, tu reviens, tu vas aller chercher de quoi sur Internet. C'est waouh. Pourquoi c'est rendu qu'on fait nos comptes? Je fais mes comptes sur mon iPhone à table. Ma copine est sur son ordinateur. Moi, je suis là, puis je transfère de l'argent avec RBC sur mon téléphone. Je trouve ça vraiment cool. Ça fonctionne bien. Et j'imagine que sur un iPad, ce sera encore plus facile parce que t'as plus de place pour faire ça. C'est plus grand, c'est ça, exactement. Mais bon. Et on va terminer avec celui-là. J'aime beaucoup cet article-là. 1 million succombent au site pour adultère au Brésil. Ça se passe à Sao Paulo. Vous trouvez votre mariage ennuyeux, manquant de sexe? Eh bien, inscrivez-vous sur le site web de rencontres extra-conjugales Ashley Madison, qui, un an après son arrivée au Brésil, compte déjà plus d'1 million d'adeptes en quête d'aventure. C'est écrit il y a 10 ans au Canada et c'est présent dans 24 pays. C'est dans le géant sud-américain qui vénère la sensualité qu'Ashley Madison enregistre sa plus forte croissance. Les Brésiliens sont très versés sur le plaisir, le sexe et le divertissement. Tout ceci est allié au goût de la technologie, au besoin de communiquer et de connaître les gens. C'est justement comme ça blablabla, que la je vais juste sauter de quelques paragraphes là. 17 millions d'adeptes dans le monde, dont 8 millions aux États-Unis et 6 millions au Canada. Ashley Madison a enregistré un chiffre d'affaires de $120 million cette année. Pour trouver l'âme sœur ou faire des rencontres fugaces, il existe une grande variété de sites web au Brésil où sont aussi présents d'autres acteurs mondiaux du secteur comme eHarmony ou Second Love. Ashley Madison est née en pensant aux femmes. Elle ne paie rien pour s'inscrire ni pour établir un contact avec les hommes. C'est à eux de payer pour l'envoi de messages, de petits cœurs ou utiliser d'autres techniques de séduction virtuelle. Les 100 crédits qui permettent de contacter une vingtaine de femmes reviennent à $25 en moyenne. Photos torse nu, visage au regard pénétrant, adjectifs comme sensible et tendre, créatif et aventurier, tous les moyens sont bons pour rentabiliser l'investissement. Après un an d'existence au Brésil, Ashley Madison a lancé le programme Amant Garanti pour que chaque personne inscrite soit sûre d'avoir au moins une aventure. Dans le cas contraire, elle sera remboursée. Le responsable régional du site affirme que son succès en Amérique latine avec 1,6 million d'utilisateurs est surprenant dans une région où les tabous sociaux et religieux sont pourtant nombreux. Ashley Madison est également implantée au Mexique, en Colombie, au Venezuela, au Chili, en Argentine et à Porto Rico. Pour les responsables du site, une infidélité est la recette parfaite pour sauver un mariage usé en rendant la joie à un conjoint insatisfait. Eh bien. Hey, hein? Ashley Madison, j'avais déjà entendu le nom, mais je savais pas que ça allait jusqu'à avoir des crédits pour une garantie d'aventure. Eh bien. Voilà pour la chronique CNX. Le fil. Voilà. On retourne avec... avant de passer à Alexandra Carignan qui s'en vient dans quelques secondes, on écoute Madame Moustache. Voici l'extrait Maison Mobile. C'était leur précédent extrait. Le plus récent est Roméo et Juliette, mais je l'aime pas autant qu'un Maison Mobile. Donc la voici. Puis après ça, on parle culture. Assemblage. Autour de la pause, mettons, tu regardes sur ta montre, quelle heure tu penses qu'il va être à peu près, mettons? 8h44. Ben non! Le temps d'une culture! Oh. Oh, hello, hello, hello. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Toujours avec François-Louis Marchand et Mathieu Plante, il est 8h43 minutes. Oui. Tu l'avais dit, tu avais dit 42, mais tu étais proche. Oui, oui. J'avais dit 42. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ah. Bah. Je me suis trompé. Ça arrive, hein. Mais de toute façon, c'est pas grave, l'heure est très, très superflue et non nécessaire parce que tout le temps, c'est tout le temps de la culture. Genre. Alexandra Carignan, hey! Avec nous, hey! Eh oui, bonjour, bonjour! Elle danse! Ben oui, je suis en forme aujourd'hui. Parle-nous de ça. Ça m'arrive pas souvent. En mais forme là, de quoi? Aujourd'hui. Oh là là! Est-ce que tu finis tes cours aujourd'hui? Moi, j'ai tes plus examens? De cours. Moi, je suis comme à la maîtrise. Ah, c'est vrai. Chanceuse, je suis même à la deuxième année de maîtrise, mais j'ai même plus de cours. Puis la vie est belle, hein? C'est la discipline personnelle, j'ai bien belle forme. Ça a l'air très difficile, la maîtrise, de la façon dont j'en entends parler tout le temps. Oui. Ben, en fait, si t'es bon en discipline personnelle, ça va tellement bien aller. Ouais, c'est pas sûr. Bon, là. Il faut. C'est d'autres choses. Mmh. Mmh. Ouais. De quoi est-ce qu'on parle dans ta chronique question? Aujourd'hui, on parle de chronique cinéma, mais aussi de chronique spectacle et sortie d'album. Okay. Cinéma, j'en parle pas souvent, mais non. Là, c'est impératif. C'est un film qui se passe en Mauricie. D'un auteur qu'on connaît bien, et c'est bien Daisy Mézac de Fred Pellerin que je parle. J'y ai assisté lors de la projection de presse. C'est un très bon film. Et là, on se dit, ceux qui ont vu Babine, en fait... ceux qui ont vu Babine, c'est le même univers, OK? Les mêmes personnages. Ceux qui ont aimé Babine? Ceux qui ont aimé Babine vont aimer Daisy Mézac. OK. Ceux qui n'ont pas aimé Babine, ben allez pas voir Daisy Mézac, parce que c'est la c'est même... Si je veux dire, c'est le même village, c'est les mêmes personnages. D'ailleurs, Daisy Mézac, on l'a vu dans le premier, mais il n'était pas encore sorti de la bédaine de la fille. Ah, en c'est fait, l'enfant. Ouais, Daisy Mézac, c'est l'enfant qui est resté près longtemps, de 15 ans dans le ventre de sa mère. Mais ça, c'était pas la madame qui était toujours enceinte? Ben en fait, c'est pas qu'elle était toujours enceinte. Okay. C'est qu'elle était une fois... enceinte, puis elle l'a pas se laissé sortir. Ah, OK, OK. Je pensais qu'elle était toujours enceinte. Non, c'est ça. C'est qu'elle elle a été enceinte pendant 15 ans. Okay. Parce qu'elle avait le même enfant. Mais est-ce qu'il est né à l'âge de 15 ans, son enfant? Ben, en fait, oui. Comment il est sorti de là? Ça, c'est l'histoire. Pas réaliste. L'histoire ne le dit pas. Mais Daisy Mézac, il est interprété par un beau grand jeune homme. Et logiquement, il aurait peut-être dans c'est le pas coin Manolo, de 19 ans. Non, c'est pas Manolo. Pourquoi non. Serait Manolo? J'ai dit ça, grand. C'est un bel enfant. J'ai dit grand. Ah. Ça marche pas. Ça marche pas avec Manolo. Oh. Oui, c'est ça. En fait, Daisy Mézac est né à l'âge à peu près de 15 ans. Et là, ça fait, il y a 3 ans, bref, dans le film à peu près. Donc, c'est pas... mais c'est un grand naïf. Ça parle. C'est non seulement un conte. Si on veut, c'est un conte de Noël. On relie beaucoup le traditionnel, les contes et légendes à Noël au Québec. Mais c'est quelque chose qu'on peut écouter à peu près n'importe quand dans l'année. C'est comme la musique traditionnelle. On écoute ça juste pendant les fêtes. C'est ça. Ben, ouais. C'est ça. En même temps, si tu parles de. C'est le temps d'une dinde, là, je comprends. Ça te tente que ça dans les fêtes. Ouais. Mais quand on parle de groupes traditionnels, que ce soit les portageux, les tireaux de roche, ça s'écoute à l'année longue. Ouais. Et c'est la même affaire pour Daisy Mézac. Un bel univers, une belle leçon, des belles tournures de phrases de Fred Pellerin. Bref, comme à son habitude. C'est pas au-delà de Babine. Je trouvais parfois qu'il y avait une espèce de ralentissement dans l'histoire. La fin, je l'ai trouvé un petit peu botchée. Hein, pas à la hauteur okay. De ce que je m'attendais, mais c'est cute. C'est cute. T'sais, je veux dire, déçu? C'est un beau conte. Pas déçu du tout. Non, c'est un très beau conte québécois. Très bien reproduit en film. Mais c'est sûr que c'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas le film qui va rester. Moi, j'aime mieux Babine, tant qu'à moi. Mais Izzy Mezak est tout aussi bon. Si vous avez aimé Babine, si vous aimez l'univers de Fred Pellerin, ça vaut la peine juste pour ça, juste pour les tournures de phrases, par la réalisation de Luc Picard, c'est super bon. C'est sûr que attendez-vous pas à un chef-d'œuvre québécois, vous n'en sortirez pas troublé de votre vie, mais bien distraite comme il le faut. Alors, Izzy Mezak, c'est présentement ou dans les cinémas près de chez vous. Et pour ce qui est de mon deuxième sujet, c'est une sortie d'album et un spectacle aussi, puisqu'elle était à la Maison de la Culture à Trois-Rivières le 27 novembre dernier. Je parle de Maya. Maya, c'est Maya Davis, une chanteuse. Elle est une des membres fondatrices de Ladies of the Canyon, que certains vont connaître, puisqu'ils font du folk country canadien, parce qu'ils chantent en anglais. Elle est montréalaise. Okay. Ladies of the Canyon, c'est des personnes d'un peu partout, mais ça s'est formé à Montréal. C'est très, très bon. Moi, j'aime vraiment ça. Oui. Et bon, ça a connu un pas pire succès sur la chaîne CMT Country Music. Quand ils jouent pas des drôles de vidéos ou des sitcoms, ça leur arrive encore de jouer de la musique. Moi, j'adore ça, là. Non, mais ils jouent pas le country à CMT. Oui, ils en jouent. Le jour de la nuit. Arrête donc. Ils jouent des émissions d'infirmerie d'animaux. Là, c'est toujours mieux que l'autre poste, là, plus, OK? Bon. Bon. Moi, j'aime mieux CMT. Parfait. Bref, elle est une membre fondatrice de Ladies of the Canyon. Elle a décidé de faire son projet solo. Ça s'appelle Héritage. C'est un disque bilingue, donc parfois en français, parfois en anglais. Très folk, très différent de ce qu'elle a produit en différence. En fait, toutes les chanteuses de Ladies of the Canyon ont écrit une chanson sur l'album de Ladies. C'est très différent de ce qu'elle écrit en anglais que ce qu'elle écrit en français. Beaucoup plus personnel, beaucoup plus introspectif, mais c'est quand même très, très bon. Elle était à la Maison de la Culture en première partie de Kim Churchill. Tombeau Kim Churchill. C'était une première partie très réussite. Cet album-là, faut mentionner qu'il s'est fait pas mal sur le side et pas mal vite. En fait, elle a écrit les paroles durant la tournée de Ladies of the Canyon, qui ont fait plus de 500 spectacles au Canada. Donc, c'est quand même assez intense. Comme ça, elle écrivait des riffs, des paroles. Et quand elle est arrivée à Montréal pendant son mois de congé, elle a demandé à son ami producteur Mike Nash, ça te tente de faire un album? Puis il a fait, ouais, quand? Dans un mois. Fait que dans le fond, ils ont fait l'album assez rapidement. C'est pas quelque chose qu'elle a programmé ou qu'elle a pensé. Et d'ailleurs, elle ne réécrit jamais ses chansons. Son premier jet, c'est celui qu'elle prend. Prise. Elle déteste retravailler ses trucs. Sinon, ça finit plus. Ben, c'est ça, ça finit plus. Ouais. Puis elle dit, c'est quoi l'idée de retravailler une chanson? Parce qu'une chanson, pour elle, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose de sincère. Fait que si on le change, ça vaut plus la même affaire. Donc, elle a décidé de faire ça comme ça. Et ça fait un très bel album. Un album un peu plus d'automne ou de printemps, pas très hivernal, ça, faut le mentionner. C'est du folk. Du folk, ça peut être hivernal. Là, on parle de Mumford & Sons. Ouais. Mais celui-là, il est beaucoup... moi, je le mettrais automne-printemps, mais il est quand même très, très bon. Héritage. Et d'ailleurs, je vous ai emmené un extrait de l'album. C'est la pièce qui ouvre l'album, Anticosti. Ça donne le ton, un mélange d'anecdotes, de descriptions, de paysages qui vont vous transporter ailleurs. Donc, de Maya, Anticosti. C'est elle, hein, qui a prévu la fin du monde, je pense. Oui, oui, Mathieu. Fanette, fanette, ta grande fenêtre qui m'emporte dans le temps. Une histoire de souvenirs de famille gardée en noir et blanc. La grande rivière au grand saumon, les fentes et les loups, où jouent mes ancêtres dans un rêve. Un conte d'enfance. Les rêves ont souvent trop d'amertume et de sang. Les miens me veulent au sein de ma petite famille d'antan. Les jeux de cache à lance aux fraises, les plages masquées en blanc, des arbres si grands. I'm dans un autre temps. Le grand-père de maman régnait son petit paradis, comblé de 5 enfants au royaume Anticosie. Un chien, une belle clairière, le vieux sens de la vie, vivaient les grandes chimères du crash, des villes toutes sales, l'hiver à Montréal. Dans une carriole, on sent les fleurs sauvages de l'île, les paysages oubliés. Moi j'ai quoi, un grand voyage, dans les rues et les bars, je s'ennuie pas. Je voudrais vivre une belle histoire, dans les beaux vins, des belles vies. C'était Maya avec Anticosti qui ouvre son album Héritage. Donc, c'était un extrait. Je vous rappelle que c'est une des chanteuses de Ladies of the Canyon. Elle a fait sa sortie d'album au mois d'octobre. Bref, c'est ben, ben bon. Bref, c'était bref. Bref. Et voilà, c'était tout pour ma dernière chronique culturelle de la semaine. T'as pas 3 sujets, toi, cette année? C'était cette semaine? Je pensais qu'il y en avait 3. Non. Ben, laisse faire. Ben, va-t'en. Non. Va affronter la tempête. Sinon, je peux en popper un de même. Demain soir, mardi, si vous ne faites rien et que vous avez le goût de voir de la bonne improvisation, sachez que la Ligue d'improvisation mauricienne, la LIM, présente un spectacle spécial Noël. Oh. Donc, ce sera pas tout du Noël, là. Si vous avez c'est ça, vous allez, je veux dire, c'est pas ça, là. Les thèmes vont être dirigés vers la thématique Noël, mais les improvisateurs feront bien ce qu'ils voudront. Okay. Il va y avoir une petite décoration, là. C'est très, très, très agréable. Le dernier match 2012 de la LIM, c'est les jaunes qui vont affronter les oranges, donc les couleurs éclatantes. Ça vaut la peine. Les jaunes, en fait, il y a Pascal Cholet-Janson qui est connu à la Luître, avec Louis-Étienne Villeneuve aussi, qui est un ancien capitaine de la Luître aussi. Donc, ça vaut la peine. Les oranges, vous connaissez personne, mais elles sont bien, bien bons. Ça a l'air plat d'humain, on connaît personne. C'est pas vrai. Il y a Rémi Francœur, il est président de la Ligue. Il est vraiment cool. Il y a Henri Morissette aussi, qui est un artiste de Trois-Rivières, qui fait partie de la LIM cette année. Moi, je l'appelle Henri Sette. Henri Sette. Je l'appelle de même. Henri Morissette, Henri Sette. C'est drôle. Tu l'appelles pas de même? Non, je l'appelle pas de même. Non? Je l'appelle juste Henri. Henri. Ouais, je suis plate de même. Ouais. Pas très original, mais bon. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de huître. C'est fini, la huître? La huître, c'est fini pour cette année. Donc, lundi ce soir, prenez une pause d'improvisation. Vous avez le droit. Étudiez. Ben oui, ben en fait, c'est pour ça qu'on fait pas de match. Là. On sait bien qu'il n'y aura pas de public. On va revenir au mois de janvier. La date précise, je ne m'en rappelle plus. Le 15? Ça, c'est pas, hein? Ça se peut? Le lundi, là. OK, parce que les étudiants reviennent sur le campus le 8, le mardi. Alors, le 8. Voilà, ce serait le 15. Le 15. Logique. Janvier. Alors, la LIM demain, 20h à la salle Louis-Philippe Poisson de la Maison de la Culture. C'est 5$ spécial étudiant. Ça vaut la peine. Pas cher. Et je t'ai coupé complètement sur ta belle petite fin de chronique. Répète ce que tu as dit tantôt. On fait Henri Sette, comme dans Henri Sette. Henri Sette. Et répète ce que tu disais tantôt. Non, mais je me rappelle plus ce que je disais. C'était ta dernière chronique pour l'année 2012? Ben oui, c'est ma dernière chronique pour l'année 2012, c'est tout. Je l'ai dit maintenant. Simple de même. Mais je vais revenir en janvier. cool, on a hâte de en te 2013. Revoir. Ouais. En 2013. Yay! Yay! Yay! Avec plein de cadeaux. Ben, mes cadeaux. Ben, c'est ça, tu nous en feras pas de mettre trop ben, ça. Ben, non. Hey, Sandra Carignan, The Car, Corinne. The Car. The Car, Corinne. The merci car beaucoup. Ben, merci à vous de m'avoir accueilli. Merci. On est content de t'avoir à toutes les semaines. Oh, c'est fun. Tu vas être là pour les palmarès, c'est fou, jeudi, oui, en partie. Jeudi, en, je vais arriver short, mais je vais être là. Parfait, c'est jeudi à 15h. Et puis, la dernière du boudoir est ce soir à 18h. Et que oui, la dernière avec Miss Beaubré qui s'est remis de sa grosse, on dira pas quoi, mais c'était pas très, très beau. Va-tu bien? Elle va mieux. Pas beau à sentir, je pense. Elle va mieux. Et en fait, elle s'est remis et ce sera le dernier épisode du boudoir ce soir. À un vie? Espèce de... À vie! Non! À vie, je sais. Fais pas ton Bernard Adamus, toi. Mais ça va être une émission un peu le best-of de ce qu'on a aimé jouer dans le boudoir. Le boost-of. Le boost. Comme boudoir, boost-of. Puis ça fait comme un jeu de mots avec Bouscotte. Tu vas exactement. Faire un hommage à Bouscotte. C'est le boost-of. Le boost-of. Bon. Alors ne manquez pas ça. Ce soir, 18h sur les ondes de CFU 89.1 FM. Ben, bonne émission à toi. J'espère que tu vas revenir avec une autre émission éventuellement. Pas en janvier, en tout cas. Pas en janvier. Non. Non, en tout cas. Au moins, tu vas être là ailleurs dans la grille horaire. Ben oui. On va terminer l'émission ici pour ce lundi matin. On se retrouve demain, François. Oui, demain, on va recevoir Michel Brun avec sa chronique juridique. David Ferron va être là avec la langue dans ton oreille. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Je vais faire les chroniques que j'ai pas fait aujourd'hui parce que mon site web marchait pas, mais là, il marche de nouveau. Fait que. Allez voir ça, assemblagerequis.com. Oui. Prenez de l'avance. Étudiez un petit peu, puis demain, vous allez tout savoir à l'avance. Vous allez vous sentir intelligent, ça que ça veut dire. Tu sais, quelqu'un qui fait du covoiturage, là. Oui. Il dit à son collègue, ah oui, tu sais. Tu fais les faits, okay. Tu peux les dire d'avance. Ouais! T'as de l'air super, Ouais, ou tu peux avoir l'air de vin, tu sais, tantôt. Je suis sûr que Mathieu Plante va me sortir un fait sûr, puis là, tu glisses un paquet de. Ouais, oh, ouais. J'aimerais tout faire. Ça. Ouais, c'est bon, ça. Ce serait pas pire. Hein. On se quitte avec un autre groupe qu'on a beaucoup aimé cette année ou cette session-ci, en 2012, à Assemblage Requis, c'est Chinatown. Oui. Très, très bon nouvel album, dont l'extrait Culpabilité m'a marqué le plus, moi, dans tout ce qu'on a entendu. Il y en a eu plein, hein, on s'entend, sur le palmarès. Donc, Culpabilité, c'est avec ça qu'on va se quitter. Restez à l'écoute pour le dîner de con qui s'en vient à 11h avec Danny Janvier. En après-midi, il y aura la reprise des Palmarès C'est fou avec moi et Alexandra, comme on l'a dit, à 18h, le boudoir. Et puis, allez voir CFU.ca pour la programmation complète. Génial. Puis, assemblagerequis.com pour les notes de pas l'émission d'aujourd'hui. On va y mettre plus tard. Bye, bonne journée, François. Bonne journée, à demain. T'es fin, bon retour à toi. Merci, merci, merci. Retour à la radio. Bon, ouais. Laissons des clés. les arbres se retrouvent sans rien. Moi, ils me